et des contes que la mer découvre, certaines années, on en trouve partout. Complètement molle, sans coquille, elle glisse à marée basse sur le sol avec ses tentacules successifs. Seul le frisolide de l'eau indique sa présence. Il est ton ennemi naturel, ton vieil ami de la maternelle, ton prof, ton classe, je tue il, nous ou elle. Il est ton premier amour, tes premières cuites, tes premières joies, ainsi que tes appels au score, tes premières fuites, ton premier coma. Il s'affiche partout, mais ne se fait jamais remarquer. C'est lui qui va te permettre de marquer le but, qui va siffler hors jeu. Il est ton cauchemar d'enfance, tes projets, tes espérances, ton plaisir et ta souffrance révoltée. Tu veux lutter pour changer le monde, mais quelle que soit la bannière que tu portes, elle est infectée, infiltrée dans tous les courants de pensée, causes et conséquences de toutes nos idées innées, acquises ou qu'on croit avoir créées. Et je vous présente le seigneur de l'humanité, le master pour le Paris, à la fois Babylone et Sion. Est-ce que tu es, est-ce que tu quittes, réunis dans une même personne, une alternative, toutes choses et à toutes formes, l'expression créative qui fixe les normes et les transforme. Le gastéropode sans forme débarque et t'informe, sans formule de politesse, sans sergent, très sans prêtresse. Nous avons tous péché, nous devons tous prêcher la voodoo bible. Dès le plus jeune âge doit être enseigné. Le maître exige la saignée de l'icône de l'homme parfait. Les choses ne sont comme elles sont que par rapport à leur opposé. Il brûlera tes ailes comme Icar. Retiens-toi devant lui car le master pour le Paris, à la fois Babylone et Zion, tout ce que tu es, est-ce que tu quittes, réunis dans une même personne, une alternative, à toutes choses et à toutes formes, l'expression créative qui fixe les normes et les transforme. Bonjour, pense à quelque chose. Un poisson chat, une méduse, une fièvre, très très cool. Commence par un L. Bien fait, réussi à te faire croire une seconde que tu pouvais changer le sens de la ronde, mec. Que ta cause soit juste ou immonde, qu'elle fasse que la planète devienne un petit peu plus ronde. Ça ne fera jamais que remuer la masse. Bien planqué, le centre de la Terre reste en place. T'es monté plus pas de sa meule, encore à baisser l'érutis même en ruinilas. Saligno, même si tu ne sais pas encore le master wolf, mais ton maître.